L'Apocalypse de Thomas, The Apocalypse of Thomas, James 1124. Et, Salter, Ma, Ran, The Doomsday, ligne 8233. Entends Thomas, car je suis le Fils de Dieu, Père de tous les esprits. Entends-moi les signes qui vont arriver à la fin de ce monde. La fin du monde serait complète lorsque mes élus auront quitté ce monde. Je vais te parler ouvertement de ce qui va arriver, que les princes des anges ne savent pas, présentement cachés devant eux. Fin de la prêtrise à Jérusalem. Après qu'il y aura partage du monde entre rois et rois, que toute la terre serait en grande famine, grande maladie, détresse nombreuse, que les fils de l'homme tomberont sous le tranchant de l'épée, et qu'ils seront emmenés captifs chez les nations. Il y aura dans le monde une grande agitation. Fin du monde entier. Quand alors l'heure de la fin approchera, il y aura 7 jours de grands signes dans le ciel et les pouvoirs des cieux seront déplacés. Au commencement du premier jour, à la 3e heure du jour, il y aura une grande voix puissante au firmament du ciel. Un nuage de sang descendra du nord, de grands tonnerres et puissants éclairs le suivront. Il couvrira entièrement la terre et il y aura une pluie de sang sur toute la terre. Ce sont les signes du premier jour. Au 2e jour, il y aura une grande voix au firmament du ciel. La terre sera déplacée de sa position, les portes du ciel seront ouvertes vers l'est du firmament du ciel, la fumée d'un grand feu passera par les portes du ciel et couvrira tout le ciel jusqu'au soir. En ce jour, il y aura peur et grande terreur dans le monde. Ce sont les signes du 2e jour. Au 3e jour, à la 3e heure, il y aura une grande voix au ciel. L'abysse de la terre rugira aux 4 coins du monde, les sommets du firmament du ciel seront ouverts, tout l'air sera rempli de colonnes de fumée. Il y aura une très mauvaise puanteur de soufre jusqu'à la 10e heure. Les hommes penseront dire, le moment de périr est proche. Ce sont les signes du 3e jour. Au 4e jour, à la 1e heure, l'abysse fondra et rugira de la terre de l'Est. Toute la terre sera alors secouée sous la force du tremblement de terre. En ce jour, les ornements des idolâtres tomberont avec les édifices de la terre sous la force de la secousse. Ce sont les signes du 4e jour. Au 5e jour, à la 6e heure, il y aura soudain un grand tonnerre au ciel. Les pouvoirs lumineux et les roues du soleil seront pris. Il y aura de grandes ténèbres dans le monde jusqu'au soir. L'air sera sombre, sans soleil ni lune, les étoiles cesseront leur service. En ce jour, toutes les nations se verront comme dans un miroir et détesteront la vie de ce monde. Ce sont les signes du 5e jour. Au 6e jour, à la 4e heure, il y aura une grande voix au ciel. Le firmament du ciel se fendra d'est en ouest, les anges des cieux verront la terre par les ouvertures des cieux, tous ceux sur la terre verront l'armée des anges regarder du ciel. Tous les hommes fuiront alors dans les monuments pour se cacher devant la face des anges juste en disant, la terre va s'ouvrir et nous avaler. Ces choses qui arriveront ne se sont jamais produites depuis que le monde fut créé. Ils me verront alors venir d'en haut dans la lumière de mon Père, avec le pouvoir et honoré des saints anges. À ma venue, les barrières de feu qui entourent le paradis disparaîtra. Ce sera le feu perpétuel qui consumera la terre et tous les éléments du monde. Les esprits et âmes de tous les hommes sortiront du paradis alors et viendront sur toute la terre. Chacun d'eux ira vers son propre corps, là où il est situé, Et chacun d'eux dira, ici repose mon corps. Lorsque la grande voix de ces esprits sera entendue, il y aura alors un grand tremblement de terre dans le monde entier. Sous sa force les montagnes se fendront du haut, les rochers du bas. Et chaque esprit retournera dans son propre vase, et les corps des saints tombés endormis se relèveront. À la voix de l'ange. Dans la première résurrection, avant n'importe qui d'autre, les apôtres de Christ alors murmurent, sans peine de leur épreuve. Dans la deuxième résurrection, les prophètes du monde se relèveront. Dans la troisième résurrection, les confesseurs, à la clameur, ne les cachaient plus. Dans la quatrième résurrection, les martyrs de la terre se relèveront. Dans la cinquième résurrection, toutes les armées des saints. Dans la sixième résurrection, les vierges, les pénitents, les enfants, les baptisés se relèveront de la garde de la terre. Dans la septième résurrection, du feu, des inondations graves, de la mer, de la terre, du sol, tous se relèvent en vie. Tremblant d'effort pour la rencontre, ils se rassemblent en vastes bandes de chaque côté. Le peuple des saintes troupes du ciel, le peuple de la terre, et de la géhenne. Leur fête est constante, et d'après les nombres de leurs récompenses. Leurs trésors, leurs stations, leurs arrangements, devant la face lumineuse du roi des sept cieux. Leurs corps se changeront alors à l'image et la ressemblance honorée des saints anges, par le pouvoir de mon image du Saint-Père. Ils seront alors vêtus de l'habit éternel de vie, nuée de lumière qui n'a jamais été vue dans ce monde, qui descend du plus haut royaume du ciel par le pouvoir de mon Père. Cette nuée entourera de sa beauté tous les esprits qui ont cru en moi. Lorsqu'ils en seront vêtus, ils seront portés par la main des saints anges, comme je t'ai dit auparavant. Ils seront alors élevés dans l'air sur une nuée de lumière pour venir avec moi se réjouir au ciel, et continuer alors dans la lumière de mon Père honoré. Il y aura alors pour eux grand bonheur, avec mon Père et devant les saints anges. Ce sont les signes du sixième jour. Au septième jour, à la huitième heure, il y aura des voix aux quatre coins du ciel. Tout l'air sera secoué et se remplira des saints anges qui feront la guerre entre eux tout au long du jour. En ce jour mes élus seront cherchés par les saints anges avant la destruction du monde. Tous les hommes verront alors à cette heure leur destruction prochaine. Ce sont les signes du septième jour. Au huitième jour, à la sixième heure, quand le septième jour aura passé, il y aura une voix tendre et douce à l'est du ciel. Cet ange qui a pouvoir sur les saints anges se révélera alors, assis sur les chariots de nuit de mon Saint-Père, parcourant avec joie dans l'air sous le ciel, à lui iront tous les anges, pour libérer les élus qui ont cru en moi. Ils se réjouiront que la destruction de ce monde soit arrivée. Les paroles du Sauveur à Thomas sont terminées concernant la fin de ce monde.